Pour raconter ma vie. Oui. Eh ben voilà. Vous allez être bien déçu. Mais non, allez, allez, pas de fausse modestie. Allez. Non, il n'y a rien dans ma vie. Eh ben, ça ira plus vite comme ça. Moi, je suis épaté quand je lis le journal de voir les vies que... Je vous en prie. Alors, on va voir ce qu'on peut en tirer. Je vais commencer par le début. Ça vaut mieux. Voilà. Je suis né... Monsieur Roussel, il y a un fait dont il faut tenir compte. Je vous arrête tout de suite parce que c'est ceci. Ce n'est pas à Léonie ni à ce reporter que vous allez raconter votre vie. C'est à leur public, à leur lecteur. Or, ce public, le public de Léonie, a des idées, des opinions et des goûts. Les articles que lui propose, Léonie, doivent donc satisfaire ses idées, ses opinions et ses goûts. Oui, mais si l'histoire de ma vie ne correspond pas à ses idées et à ses goûts. Ah ben l'article sera mauvais et Léonie ne le publiera pas. Ben, je vous en prie, il m'a promis 4 pages, il faut absolument qu'elle me les donne. Non, mais rassure-toi Françoise, nous allons nous y employer. Mais d'ailleurs c'est tout bête, c'est bête. Il suffit de raconter votre vie à ce reporter en tenant compte des idées et des goûts de ses lecteurs, c'est tout. Alors vous nous disiez, je vous écoute. Je suis né... Savez-vous que l'idéal, l'idéal serait que tout au long de votre vie vous ayez été accablé par les malheurs. Tenez, nous pourrions dire par exemple pour commencer que vous n'avez à la BNDI qu'une situation médiocre, sans aucun rapport avec vos possibilités. Ah, mais ne marquez pas ça. Mais pourquoi? Oh, mais parce que j'ai une très très belle situation à la BNDI. Non, mais la question n'est pas là, c'est... Ne marquez pas ça. Bah, moi, je suis à l'agence H Avenue Rap, c'est une agence de fin de carrière. Et moi, je n'ai que 10 ans d'ancienneté, pensez. Oh, non, ne marquez pas ça. Ouais, pensez, je suis à l'indice 280, j'ai le mois double. La gratification, oui. L'indemnité de transport, j'ai la retraite. Alors, on a malheureux, si vous marquez ça, sûr, j'ai des ennuis. Mais vous savez que vous êtes extraordinaire, alors vous ne pensez qu'à vous, vraiment. Vous pourriez un peu penser à Mademoiselle Martin. Écoutez, je pense beaucoup à Mademoiselle Martin, enfin, en quoi cela peut lui être utile que je dise que j'ai une mauvaise situation à la BND? Parce que Léonie en sera enchantée. Ah, et c'est pour ça qu'il passera l'article, alors? Oui, parce que pour son public, c'est bon. Ben oui, mais pour moi, à la banque, c'est mauvais. Écoutez, moi, je connais la directrice, elle sera furieuse. Mais voyons, monsieur Roussel. Vous m'aviez dit que vous feriez tout pour favoriser ma carrière. Enfin, c'est mademoiselle Martin qui vous le demande, vous le lui devez bien. Monsieur Roussel, vous ne me ferez jamais croire que vous êtes un homme qui ne respecte pas sa parole. Vous savez bien que pour moi, le cinéma, c'est une vocation. Ben, vous ne pouvez pas contrarier ma vocation. Enfin, vous ne vous rendez pas compte des propos que vous voulez me faire tenir. Allez dire, j'ai une mauvaise situation à la BNDI. Mais... Au moment où je passe aux opérations bourse. Mais je me rends très bien compte, au contraire, et je sais que je vous demande un grand sacrifice. Mais c'est parce que je vous considère comme un grand ami. Écoutez, je suis très flatté à ce que vous me dites, là. Alors que je dise que j'ai une situation médiocre, vous paraît indispensable. Indispensable. Eh ben... Dites-le. Merci, monsieur Roussel. Je savais que vous étiez un homme de cœur. Eh bien, alors allons-y. Continuons. Vous nous disiez que vous étiez né à... Ah, j'en étais resté là. Ouais. Je suis né... Attendez. J'ai une idée. Dans votre enfance, vous avez eu une très grave maladie. On a failli vous perdre. Non, j'ai jamais été malade. Non. On dirait que vous le faites exprès, je vous assure. Je voudrais tellement vous faire plaisir, mais... Avant ma congestion, je ne me souviens pas. Sinon, une petite varicelle de rien du tout. Eh ben voilà, vous avez eu la varicelle. Vous avez donc été malade une fois. Je vous ai pas compris. Je me suis mal exprimé. Pourquoi? J'ai dit que j'ai eu une petite varicelle de rien du tout. Alors ça, nous ne sommes pas obligés d'aller raconter que c'était une petite varicelle de rien du tout, hein? Pourquoi voulez-vous absolument que j'ai été malade? Non, que vous ayez été malade ou non, mais tout à fait indifférent. Mais Léonie en sera ravie. Ben, il m'en veut, celui-là. Mais pas du tout. Au contraire. Mais pour son public, c'est bon. Et vous, ça vous fera plaisir? Très. 10 ans que j'ai été malade. Vous avez été si malade, que vous avez dû interrompre vos études, ce qui nous donne une très belle scène à raconter. L'adieu du maître au meilleur de ses élèves, arrêté au seuil d'une carrière étincelante. Les petits cadeaux des camarades, les petits... C'est excellent, tout ça, c'est humain. Vous... Moi, j'étais à l'école communale et j'étais toujours le dernier de la classe. Voyons, monsieur Roussel, ne chicanez pas sur les détails. Bon, alors continuez vos confidences, hein. Vous nous disiez que vous étiez né à... Ah oui. Je suis né... Attendez, j'ai une idée sensationnelle. Tenez-vous bien, vous avez été orphelin. Génial. Attendez, est-ce que vous avez bien répondu? Vous avez été orphelin. Vous avez été élevé à l'orphelinat de Saint-Mandé, la précision fait authentique. Vous aviez là une bonne sœur admirable. Sœur, dites-moi. Sœur Félicité. C'est elle qui vous a appris à nager. Voilà, à nager. C'est excellent. Je ne dirai jamais que j'étais orphelin. Écoutez, monsieur Roussel, je viens d'avoir une idée sensationnelle. Vous n'allez même pas la cacher. Léonie sera si contente. Mais je m'en fous, ma gueule. Et dites-moi pourquoi Léonie serait contente de savoir que j'étais orphelin. Parce que pour son public, c'est bon. Eh ben, je ne dirai pas que j'étais orphelin. Et pourquoi ne diriez-vous pas? Pensez à la tête de mon père et de ma mère. Vous savez que vous ne nous facilitez pas la tâche, hein, vous. Ça? Vous avez été malheureux, au moins. J'ai été gâté. Oh. Vous ne voulez pas être orphelin, monsieur Roussel? Même pour me faire plaisir? Évidemment, si c'est vous qui me... Ah, puis je peux pas tuer mes parents, j'en ai pas le courage. Monsieur Roussel? Et une enfance de pauvre? Ça ferait pas votre affaire? C'est moins bon. J'en ai déjà lu pas mal, moi, des... Oui, bon, une enfance de pauvre, allons-y. Alors, disons, une enfance de pauvre avec les privations, le foyer sans feu, le... Oui, bon, alors. Votre père buvait? Oui. Ah! Il buvait de l'eau.